Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Sacha, ne vous mettez jamais en colère contre un ouvrier qui travaille. Sage conseil donné à Sacha, Sacha Guitry bien sûr, comme s'il pouvait en exister d'autres. Au cours d'une série diffusée en 1953, Sacha Guitry contait aux auditeurs de la chaîne parisienne les aventures qu'il avait vécues en préparant son film « Si Versailles m'était compté ». Tout y passait dans le style Guitry, bien sûr. L'écriture du scénario, le choix des costumes, le plan de travail, les pépins durant le tournage, puis le montage et les difficultés de couper lorsque l'on est trop long, etc., etc. Et puis, dans la dernière livraison, le 28 décembre 1953, après avoir remercié ou rendu hommage aux ouvriers du cinéma, Sacha Guitry parlait à ses auditeurs, collectivement, ses auditeurs et ses spectateurs au théâtre. Pour un peu, il aurait applaudi le public. Veuillez écouter Versailles vous est compté, une émission de Sacha Guitry, assistée de Pierre Lost. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous voici au seuil de la 12e et dernière émission relative à mon film sur Versailles, et je fais ouf. Je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour vous. 12 quarts d'heure, 180 minutes, 3 heures d'horloge, la durée exacte en somme de si Versailles m'était compté. Et si c'en était la préface, elle aurait le même nombre de pages que le texte du film. Donc je fais ouf. Mais à part moi, songeant que c'est la dernière émission, je pense aussi déjà. Oui, déjà la dernière, car je me demande avec un peu d'inquiétude si j'ai suffisamment mis en valeur et vanté les vertus de ceux qui m'ont secondé avec tant de patience et tant de dévouement, avec tant de maîtrise et de virtuosité. Mettons à part Pierre Montazel, l'opérateur qui a, je le répète, l'infaillibilité d'un homme qui peut donner des ordres à la lumière. Mettons à part aussi Jean de Bretagne, qui enregistre les sons et vous les restitue. René Renoux, décorateur ensemblier, homme de goût, qui sait vous composer un salon mieux encore qu'habitable, habité. Mettons à part Raymond Lamy, qui monte, puisqu'il est le monteur. Mais les autres, les petits, les obscurs, les sans grades, pourquoi n'en dirais-je pas tout le bien que j'en pense? Il est très difficile d'être juste à l'égard de ceux-là. On est souvent tenté de dire, en parlant d'un homme qui a fait son travail, il n'a fait que son devoir. On oublie un peu trop qu'à notre singulière époque, faire son devoir, c'est déjà énorme. L'homme qui est simplement zélé dans son travail risque souvent d'être accusé de faire du zèle. Ceux qui se trouvaient placés sous les ordres de l'extraordinaire Monsieur Louinet, qui appelle tout le monde bonhomme et qui est lui le meilleur homme du monde et le cadreur le plus parfait qui soit, ceux qui étaient aux ordres de Pierre Montazel, tous ces hommes qui se trouvaient indirectement sous mes ordres, allaient au-devant de nos désirs, et se sont si bien comportés pendant ces 2 mois de travail, que je commettrais une injustice en leur disant pas merci publiquement. Ces hommes-là, on les appelle des techniciens. Moi, je les appelle des ouvriers parce que je trouve le mot ouvrier beaucoup plus clair, beaucoup plus noble aussi que le mot technicien. Je connais un homme qui s'appelle Rotival, et qui travaille le cuir en véritable artiste. Eh bien, cet homme porte un titre exceptionnel. Il a été reconnu et nommé le premier ouvrier de France. Je ne vois rien de plus flatteur. Il m'a été donné naguère un conseil dont j'ai fait mon profit depuis lors. J'allais à la campagne conduisant ma voiture de Paris à Jumièges. Je devais avoir alors 22 ans, et dans l'auto, derrière moi, j'avais mes 2 plus grands amis, Octave Mirbeau et Claude Monet. Aux environs de Vernon, des ouvriers terrassiers sur une longueur de 200 mètres réparaient la route, ce qui ne me permettait pas d'aller aussi vite que je le désirais. Alors je me suis penché par la portière et j'ai crié « Hey, dites donc, vous autres qui encombrez la route, laissez-nous au moins la place de passer, bon Dieu !» Et du fond de l'auto, Mirbeau m'a dit « Sacha, ne vous mettez jamais en colère contre un ouvrier qui travaille. » Pour donner une leçon pareille, il faut avoir autant d'intelligence que de cœur, et ce conseil qu'il me donnait, je me suis toujours efforcé de le suivre. Vous ayant parlé de tous ceux qui sont restés dans l'ombre pendant la confection du film, il est juste à présent que je vous entretienne un peu d'une personne qui, elle, n'était pas là pendant que nous tournions, alors que nous tournions précisément pour elle, et à laquelle je pensais sans cesse, animé par l'idée qu'il fallait lui complaire sans cependant jamais lui faire de concession. Or, cette personne impersonnelle, vague et précise, indivisible et innombrable, c'est vous qui m'écoutez. Et sur le point de vous quitter, je m'en voudrais de vous cacher le sentiment réel que j'éprouve pour vous. Je vais donc brutalement vous en faire l'aveu. En ce moment, je ne m'adresse pas à l'un de vous, ni même à certains d'entre vous. Non, je ne choisis pas. Je n'en ai ni le droit, ni le pouvoir d'ailleurs. Et vous prenant tel quel, je ne fais entre vous aucune distinction d'âge, de sexe, ni de rang. Et si je m'adresse à vous, c'est collectivement. Je ne vous imagine pas chez vous, dans vos maisons, par petits groupes ou solitaires. Non, je vous mets dans une salle de théâtre, tous, comme si je vous mettais dans le même panier, pêle-mêle, serrés les uns contre les autres, coude à coude, ainsi que depuis 50 ans, je vous vois tous les soirs, car cela fait un demi-siècle bien sonné que nous passons 3 heures ensemble tous les jours, ce qui représente environ 45 000 heures de présence et de fréquentation. J'ai donc le droit d'avoir une opinion sur vous, puisque je vous ai laissé vous faire une opinion sur moi. Eh bien, mon opinion, la voici toute crue. Le public est quelqu'un de si particulier qu'étant assis dans une salle de théâtre, il est le même à bien peu de choses près dans tous les pays du monde. Il dépose au vestiaire sa nationalité, même sa profession, et il ne les reprend qu'à la fin du spectacle. Rivarol, qui était l'homme le plus spirituel du monde, disait en parlant de certains spectateurs, « Ils se cotisent pour comprendre. » On peut avoir cette impression, mais je dirais plutôt ceci. Supposons maintenant que sur ces 1000 personnes, il y en ait un tiers qui soit intelligente, un tiers qu'il ne soit pas assez, et 333 qui, réfractaires, ne sont pas venus de gaieté de cœur. Eh bien, figurez-vous que ces 1000 personnes réunies sont beaucoup plus compréhensives et beaucoup plus sensibles qu'un homme très intelligent qui n'aurait pas payé sa place. Ces 1000 personnes-là, c'est le public de chaque soir, celui de tous les soirs, qui va où il lui plaît d'aller, qui prend son plaisir où il le trouve, qui se laisse tromper parfois, mais qui, lui, ne se trompe jamais. Car il se laisse tromper parfois, pour ainsi dire, exprès. Exprès parce que, sans doute, ça l'amuse d'aller s'ennuyer à des pièces dont la signification lui échappe, parce qu'elles n'ont généralement pas de signification réelle. Il le fait une fois ou deux par an, comme d'autres aiment à s'encanailler. Et c'est en somme un peu comme s'il se mettait à la diète ou faisait pénitence. Ernest Renan disait dans son admirable discours sur les prix de vertu, « Messieurs, il y a en France un jour par an où la vertu est récompensée. Or, il n'est pas mauvais que 2 fois dans l'année, vous passiez 3 heures à confondre ce qui est creux avec ce qui est profond, puisque pertinemment, vous savez que rien n'est plus profond que les pièces de Molière. Votre bon sens inné a bien vite raison de ces petites bouffées de snobisme dont vous êtes les premiers à vous moquer d'ailleurs, car dans le cœur de tout Français, il y a un chansonnier malicieux qui sommeille. » Et le jour d'une première au Théâtre Français, c'était pendant l'Occupation, et l'on donnait une de ces grandes pièces interminables et symboliques, je me souviens d'un Parisien extrêmement spirituel qui vint à moi et me dit « Monsieur, je trouve que l'auteur a trop développé le côté emmerdant. Parmi vos plus belles qualités, je citerai tout de suite l'indulgence. » Vous tolérez fort bien qu'un acteur soit médiocre et son outrecuidance elle-même ne vous offusque pas. Et vous ne devenez méchant, vindicatif, cruel que si vous avez l'impression qu'on se moque de vous, ce en quoi vous avez parfaitement raison. S'il faut vous dire une chose encore à votre égard, et celle-là c'est la plus importante de toutes, je vous dirai que ce qui cause ma surprise et mon ravissement, c'est de penser que chaque soir, à la même seconde, vous saisissez la drôlerie d'un mot, l'éloquence d'un geste, l'ironie d'un clin d'œil. Nous pouvons jouer une pièce 100 fois, 300 fois, 600 fois, les mêmes effets se produisent tous les soirs et au moment exact où ils doivent se produire, il n'y a pas un dixième de seconde de décalage. Pour un peu, voyez-vous, on vous applaudirait. Et quand il y a par hasard 3 ou 4 effets consécutifs, cela donne l'impression d'une partie de tennis, tellement vous renvoyez bien la balle. Et quand on joue à ce jeu-là depuis plus d'un demi-siècle, il est difficile, avouez-le, de ne pas aimer son partenaire, car vous ne m'empêcherez pas de considérer que nous jouons ensemble depuis 50 ans. Et puis, il y a une autre raison qui pourrait justifier mon amitié pour vous, et je n'éprouve aucune gêne à vous la dire. Voilà 50 ans que vous me nourrissez. Tout mon bien-être, je vous le dois. Et toutes ces œuvres d'art qui m'entourent, c'est bien grâce à vous que j'ai pu les réunir. Quant à mon rêve, le voici. Le jour où j'aurai la tristesse et l'honneur de vous faire mes adieux, j'aimerais qu'en réponse à mes remerciements, vous me disiez « Nous sommes quittes ». Vous venez d'entendre « Versailles vous est compté », une émission de Sacha Guitry, assistée de Pierre Lost. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 28 décembre 1953. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».